réponses, on les connaît. Quand ça commence, toi tu veux recoller. J'ai les bons mots pour t'affoler. Quand tu penses pouvoir me contrôler, j'ai full capable. Je sais bien de quoi toi t'es capable. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais pas trop toucher où ça fait mal. Non, c'est bizarre, des façons bizarres. Tu sais que je peux faire pire que toi. Tu me vois dans le miroir. Pourquoi c'est toi qui recommence? Tu sais, j'ai des frissons quand c'est toi qui mène la danse. Pourquoi c'est toi qui recommence? Tu sais, j'ai des frissons quand c'est toi qui mène la danse. J'abandonne mon bébé. Tu me questionnes sans hésiter. C'est toi le fou, donc c'est mérité. Qu'il est touché, je veux de l'amour sincère sans me dégoûter. Tu t'es moqué de moi, j'ai dû filer loin de ça, loin de toi, loin de toi, bébé. Non, c'est bizarre, des façons bizarres. Tu sais que je peux faire pire que toi. Tu me vois dans le miroir. Pourquoi c'est toi qui recommence? Tu sais, j'ai des frissons quand c'est toi qui mène la danse. Qui mène la danse, pourquoi c'est toi qui recommence?